Hey, yo. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? C'est bizarre ça. Bien. Tu vas bien, Peter? C'est Pierre. En français, c'est ça. Peter, Pierre. Pierre, Paul, Jacques. Prénom biblique, Pierre. C'est l'ami de Jésus. Jésus. Moi, c'est Benjamin. Benjamin. Benjamin, comme disent les Arabes. Benjamin. Hello, Benji, Peter. Yes, hi. Hello. I don't think, I don't really speak French. Not a problem. You could speak English. My English is very bad. I just take another world. Yeah.